chagrin, n'a pas le réveil en est. Chaque année mes amis, nous connaît la tournée. Chaque année mes amis, nous pas le réveil en est. C'est seul jour sous la terre, nous t'habite un coup frais. Que fait chaud, que fait frais, c'est tout pays souffert. Où est l'arrivée? Minuit sonne, si Jésus tourne, ton nom est tué chagrin, ne pas le réveiller. Musique, toi la paix jouer, magasin décoré. Toute machin dans la rue a pu chercher la vie. Même fanel, puis l'étoile, la calumette, bengala, de noël, souffle si ou bien tranché, pays, si joue toute qualité, n'a toujours qu'à acheter. Ouais, l'arrivée. Minuit sonne, si Jésus tourne, ton nom est tué chagrin, n'a pas le réveillonné. Radio a fait chauffer, cabrit l'a bien piqué. Baban coua whisky, guetant perdu la vie. Amuse-gal a passé, moun coco sou danser, ti moun qui trop petit, yo voyé y'a dormi parce que fête yo fini, quand ton nom est pral vini. Radio a annoncé que minuit pour arriver, tout le monde pour aller camper, joyeux Noël pour aller tomber, champagne pour aller sauter, fête la pour aller commencer. Que minuit fait criver, tout le monde lève et campé, joyeux Noël a volé, champagne a fait sauter, faites la fête commencer. Noël arrivé, tout le monde apparaît, pour y aller fêter, pour y aller danser. Minuit sonne, si Jésus tourne, tonton Noël tu es chagrin, nous pouvons réveiller. Je vais aller au